ta seule existence, le monde était meilleur. Autour de toi naissaient des sourires sans blessure. Vescure sous la lune, je t'ai vu passer, femme splendide d'un monde si lointain. Et nous étions amis à 18 ans, une pomme sucrée que nous n'avons jamais partagée. Aujourd'hui la brise a emporté ses rires, cette montagne, ses pins, ces labyrinthes de pupitres jaunes qui tremblaient au rythme des massacres et des vengeances. Quand avons-nous grandi? Quand sommes-nous partis? 20 ans plus tard, dans une baie paisible de l'Inde, tu m'envoies un sourire et je parcours à nouveau le paradis. Pour sauver ton cœur, je vis désormais auprès du mien, retrouvé grâce à une fée qui souriait en me voyant. Et comme autrefois, mes yeux retrouvent leur éclat et les brises, les arbres et les astres tu créais.